reviendra dans la deuxième partie. Le sujet, c'est mutation de la mémoire en identité. Est-ce qu'il est possible pour un individu de rapatrier une information ou une vibration dans tout ce qu'il a vécu comme mémoire pour la passer à une dimension qu'on nomme de l'identité? Est-ce qu'il est possible que dans tout ce qu'on a vécu, même dans nos réincarnations, il y ait du matériel qui soit valable pour forger notre identité? Vous allez voir, c'est dans ce sens que, une fois qu'elle est activée, elle appartient à un tiers ou à un autre de l'homme. Dans l'évolution, la mémoire, en tant que substance, appartient au tiers de l'âme de l'homme. Elle fait partie de la personnalité de l'homme. Elle fait partie de son moi. Elle permet à l'homme d'évaluer jusqu'à un certain point ou de qualifier son intelligence. Donc, la mémoire pour l'âme, c'est un appui personnel pour sa conscience personnelle. Dans l'évolution, à partir du moment où l'homme va prendre conscience du versant de sa conscience, c'est-à-dire que dans la mesure où l'homme va prendre conscience de l'origine de sa pensée, dans la mesure où l'homme va prendre conscience que le contact avec les circuits universels peut modifier la mémoire, puis arrêter la mémoire, complètement l'éteindre la mémoire, pour rendre l'ego conscient qu'il y a dans un autre verset de sa conscience, une conscience plus basse, qu'il doute la vie. À ce moment-là, la mémoire de l'âme va cesser d'être utilisée par l'ego et va permettre à l'ego, donc à la partie mentale de l'âme, d'entrer dans des domaines de la science ou de la connaissance à l'infini et récupérer dans ces mondes-là, donc ce que j'appelle les architectures du mental, des notions. Donc, des innovations qui vont permettre à l'homme, à ce moment-là, d'utiliser sa mémoire incarnationnelle, donc sa mémoire morte, d'une façon intelligente. Il y a deux sortes de mémoire chez l'homme, une mémoire morte et une mémoire vive. C'est un petit peu comme un computer. L'homme vit de sa mémoire morte, il ne vit pas de sa mémoire vive. De la conscience, dans le fond, c'est une capacité chez l'être humain de vivre de plus en plus de sa mémoire libre et de moins en moins de sa mémoire morte. De se servir de sa mémoire morte simplement pour pouvoir travailler logiquement avec le matériel. Et de se servir de sa mémoire libre, donc instantanée et stricte, pour pouvoir explorer des dimensions de son matériel, mais à des niveaux qui vont plus loin que la réflexion de son ego ou l'expérience de l'âme à travers la personne, donc la personnalité, etc. Mais vivre la mémoire vive, c'est pas facile parce que ça nécessite que l'âme prenne congé de lui-même. Congé dans quel sens? Congé de lui-même dans le sens que son taux vibratoire étant altéré, le corps astral se chimie au corps éthérique. Et quand le corps astral chimie au corps éthérique, c'est comme si l'âme est devenue de plus assujettie à son esprit. Une fois que l'âme est assujettie à son esprit, sa personnalité prend du recul, sa personne prend de la baisse, il s'individualise, il développe une grande centricité, donc une grande identité. Et à ce moment-là, il est capable de vivre, il n'a plus besoin de vivre de sa mémoire morte comme avant. Dans des cas particuliers, probablement comme moi-même, je vis à un minimum de mémoire morte. Mais la mémoire morte est toujours contrôlée par la mémoire vive. Par contre, je vis d'un minimum de mémoire morte parce que je suis obligé d'explorer, à cause de mon travail, je suis obligé d'explorer la mémoire vive pour amener des nouvelles notions pour briser la forme. L'homme probablement qu'il n'aidera pas, autrement dit, l'homme ne perdra pas autant de sa mémoire morte, mais l'homme va perdre un peu de sa mémoire morte. Il faut sacrer chez l'ego, sacrer chez l'âme, une nouvelle conscience. Pour avoir une nouvelle conscience, donc une conscience ultimement mentale, il faut perdre de la mémoire morte. Parce que la mémoire morte sert à prédisposer l'homme émotivement à des constats au niveau du phénomène qui conviennent à sa nature animale. Donc, aiguise ses mécanismes de défense, aiguise ses mécanismes de réflexion, aiguise ses mécanismes de territorialité, etc. Tandis que dans la mémoire vive, tous ces mécanismes-là sont éclipsés au profit d'une présence. La présence était l'aboutissement d'action, contact télépathique avec des sites universels, très grand développement de la sensibilité électrique de son feu. Donc, très grand développement de son système nerveux, et finalement aboutissement de la conscience de ses cellules. Mais si l'homme ne prend pas conscience de sa source, il ne pourra pas en arriver à développer une mémoire vive qui va rester dans sa mémoire morte. Une mémoire vive, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet éventuellement à l'ego de ne plus réfléchir, donc de sortir complètement de la connaissance. Pour rappeler, dans le savoir, un jour, il faudra réellement définir la différence entre ce qu'on appelle la connaissance et le savoir. Pour le moment, on peut dire que la connaissance, c'est la fonction de la mémoire morte, alors que le savoir, c'est la fonction de la mémoire vive. Une fois que l'homme va vivre, c'est de la mémoire vive à ce moment-là, bien, il sera plus intéressé à la connaissance. Si on l'approche au niveau de la connaissance, il va prendre une position purement technique par rapport à elle, dans le sens qu'il va l'accepter, ou il va la fracturer, ou il va la rebondir, et ainsi de suite. Puis, il y a une très grande conscience critique. Si on regarde le monde de la chimie ou le monde de la physique, si on regarde le monde moléculaire ou le monde matériel, au niveau de la mémoire vie, c'est bien qu'on ne peut pas décréter sur ces plans-là de la même façon qu'on fait avec les mémoires mortes. Par exemple, la tombe pour un être conscient ou la tombe pour une mémoire vive, ça n'a pas la même configuration au niveau éthérique que ça n'a au niveau électromagnétique pour un scientifique qui regarde avec son instrumentation. Par contre, pour le moment, la mémoire vive ne peut pas être utilisée au niveau de la science parce que la matière n'est pas capable de recevoir les impressions. Donc, à ce moment-là, un homme qui utilise sa mémoire vive au niveau du savoir, c'est-à-dire au niveau des études, des différentes études, du tout matériel, il est obligé de faire ces études-là sur un plan éthérique et conserver son expérience. Dans le sens de vivre instantanément sa mémoire vive quand elle a besoin, mais de jamais essayer de la rapatrier dans le confins de sa mémoire morte. C'est pour ça que c'est très fatigant pour un être qui a accès à une mémoire vive de se traiter de science avec une mémoire morte. Parce qu'il est obligé de. Parce qu'il ne peut pas l'utiliser. Il viendra un temps dans l'évolution scientifique de l'humanité où l'homme pourra utiliser la mémoire vive, mais là, à ce moment-là, ça renversera la science de la mémoire morte sur la Terre, ça créera une nouvelle Terre. Si on regarde au niveau de la personnalité, l'ego dans son évolution, donc, l'homme, au fur et à mesure où il va transmuter ses corps, transmuter son corps astral, transmuter son corps mental, va arriver éventuellement à aboutir à une conscience nerveuse. C'est parce que la conscience est terrible. La conscience est terrible, c'est une conscience très, très nerveuse. Dans le sens qu'elle est neuvramique, elle est très sensible, très vibratoire. C'est là la conscience vibratoire. Et l'homme, à ce moment-là, va rentrer dans ce que j'appelle la conscience. La mémoire. il poi sparazzare le guardini proprio a parte. Un altro poi dalle le guardini proprio a parte. Ora è dalla mia mamma. Ora è dalla mia mamma. E poi con la mia guardini, poi si dà i piedi da cui si assiste la cosa. C'est-à-dire qu'on est plus sur la terre avec la connaissance qu'on avait, on est obligé de particulariser notre relation avec les visites, c'est-à-dire qu'on est obligé de, on est obligé d'être en relation mentale et intelligente avec les architectures mentales. Donc on est obligé à ce moment-là de déformer ce qui est déformé, de briser la forme parce que la connaissance ne fait plus partie de notre appropriation en tant qu'être. Donc, techniquement, on n'appartient plus psychologiquement ou psychiquement à l'humanité contemporaine. On appartient à une autre humanité dans un autre temps. Et à ce moment-là, ben, on est obligé de restreindre les conséquences de notre savoir, on est obligé de restreindre les conséquences de notre mémoire vive. On est obligé de... Et ça, ça se fait naturellement. On sait ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. On sait ce qu'on peut avancer, ce qu'on peut pas avancer. Parce que la mémoire vive, elle est directement connectée à la mémoire des cellules. Et à ce moment-là, on sait ce qui est bon de dire, on sait ce qui n'est pas bon de dire. Parce que dans la mémoire morte, c'est bon. Parce que la mémoire morte a pour fonction de donner où elle est. Pas nécessairement, c'est pas seulement qu'elle a pour fonction de, mais conséquemment, elle donne à l'égout du précis. Parce que la mémoire vive enlève à l'égout tout précis. Tu comprends-tu? Parce que c'est personnel. Parce que c'est totalement personnel. C'est ça, ouais. Ça, comme ça enlève à l'égout tout précis, l'égout lui peut être le savoir. De ça, on va demander à l'ego des choses. On va demander à une personne qui a une mémoire vive on va poser des questions concernant de pourquoi. Puis, la mémoire vive va s'actualiser. On va le faire pendant un certain temps, pendant 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Après ça, l'esprit statique. Pourquoi l'esprit statique? L'esprit statique parce que la mémoire vive ne peut pas être traduite dans une expérience phénoménale. Si l'ego n'est pas capable d'avoir une mesure instantanée de ce qui est, il est mieux laisser ça de côté. Parce que l'ego inconscient, involutif, peut facilement bénéficier, s'amuser avec qui pense ce qui c'est. Dans ce cas-là, nous, en vie, ça ne peut pas servir juste pour des raisons de perte, des raisons de chronologie universelle, des raisons de conscience, de fusion consommiste. À ce moment-là, ben, l'ego n'est pas intéressé. Parce que la mémoire vive, c'est trop... La mémoire vive, c'est trop... C'est pas que c'est trop grand ou c'est trop intelligent, mais c'est trop de la science-fiction. Je vous donne un exemple de mémoire vive. Je vais vous donner un exemple. Les dauphins. Les dauphins sur la Terre font partie d'une race d'humains avortés. On découvrira un jour que les dauphins, s'ils n'avaient pas été avortés dans leur évolution, ils seraient devenus des humains, pas comme nous autres, mais des humains, une race intelligente, qui se serait promenée dans l'eau. Donc la race des dauphins a été avortée. Bon, quand je commence à entrer dans la mémoire vive de l'évolution des dauphins, à ce moment-là, là, tu rentres, là, c'est comme rentrer d'un tunnel tellement étroit où la réalité cosmique, évolutive, biogénétique, et c'est tellement lourd. Comment vous dites un terme? Far out? Non, c'est tellement extra hors de l'ordinaire que c'est comme si l'esprit dans un corps matériel pratique. Donc, si tu veux étudier l'évolution des dauphins, le génèse, le proto-génèse, puis leur relation planétaire avec d'autres intelligences avant l'incarnation, la descente dans un corps matériel, c'est tellement de l'ordre des poissons ou des mammifères qui sont dans l'eau. À ce moment-là, tu rentres dans l'étude de monde fantastique, voilà. Fait que ça, c'est intéressant. Tu vas t'éteindre. Là, tu peux utiliser ça pour regarder ça. Là, il n'y a plus de stress au niveau de tes émotions. Il n'y a plus de stress au niveau de ton corps astral. Puis, tu ne vis plus ce que tu vois en tant qu'homme, tu veux simplement en tant qu'il marque d'être un autre tête. Fait qu'à ce moment-là, ça ne te fatigue pas de rentrer dans la mémoire vie. Je vous donne un autre exemple de la mémoire vie. Si on regarde les cerveaux électroniques aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait 10, 15, 20 ans, là, réellement, ça bouge. Imaginez-vous ce que ça va faire dans 2 ans. Hein? Je ne respectant pas l'expérience. Dans la science, depuis ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il m'a plus servi l'électrique dans le. Il m'a plus dans 5 ans. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il va venir à un point où l'homme ne sera plus capable de dealer avec des cerveaux électroniques de façon mécanique. On va voir que ce soit, des intelligences artificielles, des tailles, des réponses. Ça va être quelque chose d'idée. Alors, à ce moment-là, la mémoire vive de cette science mécanique-là, ça va être très vague. C'est pas des choses pour l'être humain, dans une mémoire vie. Le savoir et le potentiel, surtout le potentiel d'extrapolation. Surtout le matériel, on extrapole. Afin de trouver des courbes assez proches des unités pour me donner de l'espace. Ça fait remplir énormément de paramètres de possibilité. Mais quand tu rentres dans le mental des architectures, tu peux extrapoler comme tu veux. Mais quand tu extrapoles comme tu veux, tu le sens à travers la parole, t'es obligé ensuite de ramasser le choc vibratoire de la mémoire vie. Ça veut dire qu'en tant qu'ego, un homme là, qui extrapolerait trop, là, qui vivrait trop de sa mémoire vive, là, alors tu serais dans un corps matériel éventuellement de automatiquement mourir. Pas être dans la trappe, mais mourir et aller sur le plein direct parce que la vie, c'est que le matériel serait trop plate. Fait que si tu dis n'importe quoi à les abeilles, c'est pas une abeille. Ça vient d'où les abeilles? C'est quoi la conscience d'une abeille? C'est quoi la. Les fourmis, c'est quoi? Ça vient d'où la structure du mental? Tous les mondes qui sous-tendent cette organisation-là. Tu vois, dans le. C'est comme la fin des virus. Fait que, tu vas aller dans l'autre direction, les planètes, les lutter. Fait qu'il vient un point que tu ne peux pas vivre trop dans les mémoire vie. Puis, sans ça, ben, tu veux crever, tu veux changer de plan. Là, si tu t'en vas sur le plan intellect, à ce moment-là, tu peux vivre dans la mémoire vie, parce que le plan intellect, c'est la mémoire vie. D'ailleurs, la collision entre les circuits universels et l'homme, dans les mots de Dieu, plus d'humanité, où l'homme va vivre la fusion, ça veut dire un contact direct avec les circuits universels, l'homme aura une mémoire vie, l'homme vivra une mémoire vie, puis l'homme sera un grand scientifique. Mais à ce moment-là, les portes auront été ouvertes à l'homme. Ça fait pas que les portes de ces temps-là sont ouvertes à l'homme, l'homme aura accès à d'autres temps. Quand tu as accès à d'autres temps au niveau de ton conscience, puis tu reviens dans ton corps matériel, puis que tu peux ressortir la volonté de ton corps matériel, il n'y a plus de problème. Mais quand tu es obligé de rester dans ton corps matériel pour des raisons de temps, puis que tu ne peux pas te véhiculer de ton corps matériel ou de l'intérêt à volonté pour des raisons de temps, et de descendre de certaines informations, à ce moment-là, c'est plus plaisant d'avoir une mémoire vie. Mm-hmm. Puis, mon expérience m'a démontré que quand les gens me demandent des questions où je vois dans la mémoire vie, je suis obligé de faire du crayon. Parce que je ne veux pas supporter ça dans mon mental. Je fais du crayon. Mais supporter ça dans mon mental, je suis pas intéressant. Probablement, si j'avais un écran mental comme le monton, je serais capable de voir dans mon écran mental, qui est un écran personnel, très utile, tout ce que je sais. Probablement, je pourrais m'amuser à aller dans la mémoire. Ça ne fait pas bon partie de mon expérience, j'ai aucune imagination. Quand je ferme les yeux, j'ai aucune. À ce moment-là, pour moi, c'est une protection. Parce que des gens, comme ma femme, par exemple, qui a un écran mental très développé, si je vois dans mes mémoires vives, elle avoue ce que je dis. Seulement qu'elle, elle ne supporte pas ce que je dis. Donc elle est intéressée à voir ce que je dis, parce que pour elle, je suis comme aller au cinéma. Seulement, moi, je suis allé de vivre dans l'intuition. Je suis obligé de dire à la femme, donc okay, 2 minutes, on va en parler pendant 2 minutes. Vous, c'est comme si vous étiez computer, bien l'écran. C'est ça. Vous n'allez pas brancher le computer, il ne supporte rien sur l'écran. C'est ça. Fait que, temps en temps, on va explorer la mémoire vive comme ça. Tu peux aller n'importe où dans le temps, dans le passé, quoi. Mais au niveau de l'âme, là, il y a... Au niveau de l'âme, encore moi, là, je suis pas intéressé. Parce que j'ai eu ma connaissance. J'ai dit comment est-ce que tu peux haïr la connaissance. La raison que j'ai eu la connaissance ou que j'aime pas la connaissance, c'est pas parce que la connaissance, c'est pas bon. Parce que la connaissance, au niveau de la mémoire vive, ça n'a pas d'utilité pour le moment. Fait qu'à ce moment-là, je préfère la connaissance de l'imposition à la connaissance de la mémoire vive. J'ai plus de plaisir de prendre un livre qui est écrit par quelqu'un qui est à l'université, ou un psychologue, ou un historien, ou je ne sais pas. J'ai plus de plaisir à lire ce que les gens dans le monde de l'imposition, ce que la personne écrit, que d'aller dans ma mémoire vive. Parce qu'au moins, ça, c'est en relation avec ce qui se passe dans le monde. Si je lis un livre sur la récupérée, si je lis sur la médecine, si je lis... Après ça, je parlais un petit peu dans ma mémoire vie, puis faire une critique de la science pour mon plaisir personnel. Ce qui va se passer dans ce domaine-là dans 200 ans, 300 ans, 40 ans, whatever. Mais au moins, ça reste dans ma tête. Je n'ai pas à, le traduire dans le monde. Mais pour avoir du plaisir, là, comme quand je suis à Dash, un bon livre, c'est pas pour un livre de science-fiction, pas de science-fiction, un livre de tirage. C'est des livres banals, profanes. Bon, j'ai plus de plaisir à lire ça que d'aller dans la mémoire vive. Qui demande que la mémoire vive pour l'homme aujourd'hui, c'est un gros pardon. Et que l'homme, pour le moment, quand il est dans un corps matériel, qui ne pense pas à conscience éthérique, à volonté, puis qui n'est pas rentré en compte dans le temps où il peut venir en contact avec d'autres intelligences, d'autres civilisations, etc. L'homme a plus avantage à étudier la connaissance de la mémoire morte, tout en respectant son individualité. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites dans le monde qui sont intéressantes. Juste de faire, tu peux venir à la fin de moi vie. Mais dire la fin de moi vie, c'est très long pour un inconscient. Maintenant, est-ce que la personnalité serait le support de la mémoire morte? Oui. Et l'identité, le support de la mémoire vie? Oui. Est-ce que le fait de vivre avec la mémoire vie, ça crée une tension parce qu'on est obligé d'avoir l'identité? Ah, ça, c'est si un difficile de vivre avec la mémoire vive, c'est que tu es obligé de maintenir l'identité de ce que tu sais. L'identité de ce que tu sais, c'est la capacité que tu as de reconnaître que ce que tu sais, ça ne bouge pas et c'est intransigeable. Autrement dit, ce n'est pas de la connaissance discrétionnaire. C'est absolu, c'est même, atoué de supporter. Fait que moi, si je vois dans ma mémoire vive, supposons que la dame qui est là, qui serait fait des études sur les dauphins à Miami, qu'on se rencontre. Bon, elle me parle de ce qu'elle fait, elle fait des études, elle parle des études des langues qu'on est en train de faire, les études. Là, j'arrive avec ma mémoire vie. Je commence à y rentrer. Probablement, si je fais une bonne gestion de mon énergie, je suis capable de faire une corrélation entre ma mémoire vie et ce qu'on est en train de découvrir. Sur l'étude, par exemple, des langages, des dauphins, par exemple, on rentre là-dedans. Si je fais une bonne gestion de mon énergie, je vais pouvoir m'intéresser à ce qui sort de ma mémoire de vie. Même si ça ne sait pas que ça fait partie de ma mémoire de vie. Elle va dire probablement, ça vient d'où ça? Quelle place que vous avez lu ça? Quelle place que vous avez étudié ça? Je peux dire, j'ai un club au Japon. Passer à côté. Fait qu'au moins, je vais la laisser dans l'espérance que ma mémoire vive fait partie d'une mémoire morte qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais si j'ai dit, bon, ben, ce que vous étudiez, c'est bien intéressant, je vais vous mettre en contact avec une mémoire vive qui fait partie de mon contact avec papa, à ce moment-là, on va prendre son café et on va s'en aller. Ça fait partie de la gestion de la mémoire. Quand c'est ce que je fais, c'est que je suis obligé de faire. Je me crée des chums dans le monde. Je me dis, bon, ben, il y a un avocat dans tel pays, ou il y a un juge dans tel pays, ou il y a un scientifique dans tel pays qui dit ça. Fait que comme ça, c'est pas moi qui dis ça. J'utilise la mémoire morte d'une autre personne, puis là, je la rends aussi vive que possible. Puis là, je donne. Après ça, ben, elle va me rappeler au téléphone. Ça veut dire que c'est intéressant, parce que. Genre, est-ce que tu pourrais-tu rencontrer cet homme-là? Mais c'est. Le Thursday, ben, il est même expliqué. Fait que c'est ça le problème de mémoire vive. Ouais, moi, je suis en train de comprendre une chose. C'est que la personnalité est supportée par une connectivité. Alors? Je suis en train de voir qu'une personnalité qui traite avec la mémoire morte est supportée par une connectivité. Oui. Et que ce qui est difficile dans le développement de la conscience, c'est que quand on développe une identité, c'est nous autres qui sommes obligés de se supporter aussi intégralement. Mais est-ce que ça veut dire que quand on a l'identité, on est seul? Quand on a l'identité, on est seul, par contre, on rencontre et on connaît des gens qui sont dans la voie d'évolution, dans leur identité, ça fait qu'éventuellement, on est seul. Bon, des personnes qui ont... On est seul dans le sens que seul, ça dépend. Bon, parce que moi, je prends des moments, je suis seul, là, tu sais, seul là, dans mon affaire, là, bon. Mais je suis pas seul. J'ai ma femme, j'ai vous, j'ai d'autres personnes qui sont ma famille du Québec, quoi, tout partout à l'extérieur. Puis j'ai des gens avec qui je peux parler. Je suis pas seul. Mm-hmm. Par contre, je suis seul. Mm-hmm. Je suis pas seul, parce que je peux avoir des relations mentale, intelligente, créative, spirituellement. Mais par contre, seul au niveau de mon expérience à moi-même. Mm-hmm. Fait que chaque individu est seul dans son expérience à lui-même, il n'est pas seul. Fait que, c'est comme si il y a deux sortes de solitude. Il y a une solitude qui est au niveau de ton niveau d'évolution. Puis il y a une solitude qui est simplement temporaire, qui peut être butée, si vous voulez, pontée, avec une autre solitude. Qui automatiquement neutralise la solitude. Parce que là, tu rencontres quelqu'un qui est selon un autre, qui est avec quelqu'un qui va avoir une chance. Parce que dépendant du niveau d'évolution de l'individu, autrement dit, dépendant de la grandeur de la mémoire morte. La seule raison pourquoi est-ce que je suis seul, c'est parce que ma mémoire morte, pardon, ma mémoire vive est tellement grande que si je vais n'importe où dans le monde, que je rencontre n'importe qui dans le monde, je peux activer ma mémoire vive contre sa mémoire morte avec tellement de facilité que là, je suis en retrait. Mm-hmm. C'est ça le problème de la mémoire vive. Donc, on devient habile avec ça. Avec ce thème, on rencontre des gens qui passent de la mémoire morte à la mémoire vive, donc qui commencent à développer une conscience vibratoire. À ce moment-là, on a du plaisir. Mais on demeure toujours tout seul. Fait que, c'est quoi la solitude d'un homme qui a une grande mémoire vive? Probablement, c'est une solitude qui. C'est une solitude qui est naturelle. Puis, dans le fond, je suis pas tout seul parce que j'ai mon chum en haut. Je peux toujours être à côté avec lui. Mm-hmm. De quoi que ce soit, si je veux. Fait que, dans le fond, la solitude, il n'y en a pas. Il y en a une par rapport aux hommes. Mais ça, c'est purement illusoire. Puis le contact que tu as avec ta source, ça neutralise la solitude. Parce que si je veux m'attendre chez nous, tu vois, puis tu dis, pour le fun, puis faire une excursion dans les mois d'été, puis tu dis, l'évolution des lapins. Pourquoi des lapins? Pourquoi des lapins? Ça sert à quoi sur la terre, les lapins? À ce moment-là où, pourquoi est-ce que les idées sont disparues de la terre? Il y a des milliers d'années. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu rester sur la Terre? Ça devait donc repartir. C'est des études intéressantes. Donc là, je vais le faire avec lui. Puis à un certain moment donné, il va dire qu'on va se fatiguer. Parce qu'à un certain moment donné, je vais me fatiguer. Donc, il faut que tu changes de plan pour réellement vivre de ta mémoire vive comme tu vis ta mémoire morte. Si je vous redonne la parole, là, autrement dit, ce que je veux dire, quand l'homme sera conscient et pourra vivre de sa mémoire vive sur le plan, et l'homme inconscient ou l'homme évolutif planétaire, il vit sa mémoire morte sur le plan matériel. La mémoire morte, ça sent la vie sur le plan matériel. La mémoire vive, ça sent la vie sur le plan matériel. C'est la conclusion de ce plan matériel. Ce qui se dit vraiment, c'est que les gens qui vivent la mémoire morte ont une soif de mémoire vive. Parce que ils ont l'impression d'être créatifs dans le vie. Ils ont l'impression simplement de répéter. C'est vrai. pour laquelle les hommes veulent vivre de mémoire vive, autrement dit, les hommes, ben, pas ce qu'ils veulent vivre un rapport étroit avec leur esprit. La mémoire vive, c'est simplement le fait que tu es capable d'être en communication télépathique avec ton téléphone. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça ta mémoire vive. C'est le fond de sens. Seulement que, bon, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience, c'est pour pouvoir vivre là, cette proximité-là, qui éventuellement devient fusion, devient fusion avec l'âme, bon, ben, ça nécessite des grands changements, des grandes transmutations de quantité, que j'appelle une initiation solaire. Il y a des hommes sur la terre qui sont prêts à ça, il y a des hommes qui sont moins prêts, il y a des hommes qui sont pas prêts, il y a des hommes qui avancent vers ça, graduellement, ainsi de suite. Puis ces hommes-là, éventuellement, goûteront un peu plus de la mémoire vive, donc ils sentiront qu'ils ont une certaine conscience créatrice, plus grande dans la conscience créatrice. Par contre, il ne faut jamais oublier qu'on vit sur le plan matériel. Et que sur le plan matériel, ça peut être très dangereux pour un homme qui commence à prendre conscience de sa mémoire vive et de vouloir l'appliquer sur le plan matériel. La mémoire morte est suffisamment vaste, grande, sur le plan matériel, pour pouvoir donner à l'homme les outils dont il a besoin pour suffire à ses besoins matériels. Si vous rentrez dans la mémoire vive, par sensibilité ou par contact direct, vous allez créer sur le plan matériel des barrages d'énergie très puissants. Et pour vous donner un exemple, les gens qui veulent trop utiliser leur mémoire vive ou ce que vous appelleriez leur conscience dans le monde des affaires, dans le monde matériel, s'aperçoivent qu'il y a énormément d'obstacles. C'est très, très, très, très, très, très dur. Pourquoi? Parce que ça prend une grande gestion d'énergie pour faire. Mm. Donc, comme l'homme n'est pas capable de faire une grande gestion pour l'énergie, comme l'homme n'a pas réellement une grande maturité mentale, comme l'homme n'est pas encore lucide, il n'est pas capable de participer à cette puissante lumière-là qui est la mémoire vive, et d'assouplir, de supporter, puis de se mouvoir avec elle pendant l'existence. Fait qu'à ce moment-là, l'homme est mieux de ne pas rechercher de trop grande. L'homme ne pourra pas utiliser sa mémoire vive et en l'astraliser. Autrement dit, tu n'astralises pas le savoir. Mm-hmm. On peut astraliser la connaissance, ce qui a fait partie de l'évolution, d'ailleurs c'est la définition de l'évolution, mais on n'astralisera pas le savoir qui fait partie de l'évolution. Mm-hmm. Fait que quand l'homme passe de l'évolution à l'évolution, il passe d'une mémoire morte à une mémoire vive, donc il passe d'une inconscience à une conscience, donc il passe d'une insensibilité interne à une sensibilité externe. Interne, à une sensibilité interne, il faut qu'il fasse attention de ne pas trop occultifier sa relation avec le phénomène, avec la forme, avec la matière. Autrement dit, ça prend de la maturité. Si l'homme ne fait pas attention à ça, là, il va vivre une expérience occulte dans le matériel. Il peut perdre sa maison, il peut perdre sa femme, il peut perdre sa business, il peut perdre toutes sortes de choses, parce que la mémoire vive a des règles du jeu qui sont indomptables, qui sont irréductibles. Il n'y a rien à faire avec une mémoire vive. On ne peut pas utiliser une mémoire vive au profit de la personnalité. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, l'identité ne peut pas se collectiver? L'identité ne se collectivera jamais. Okay. Parce que l'identité, dans le sens qu'on parle aujourd'hui, fait partie de l'individualisation. Et l'individualisation de l'homme, c'est le respect intégral de sa personne. Donc, pour qu'un homme puisse bénéficier intégralement de sa personne, faut qu'il soit totalement individualisable. Donc, faut qu'il soit totalement dans son individualité. À ce moment-là, ben, il est ce qu'il doit être. Il fait partie d'un autre rayon d'évolution. Tandis que dans l'évolution, l'identité était toujours un collatéral à l'identité. L'identité, c'est un collatéral de quelque chose. Mm-hmm. L'identité de l'homme n'était pas réelle. C'était en fonction de la conscience de la race, la mémoire de la race, la conscience de la civilisation, les valeurs de la civilisation. Ce qui créait pour l'homme, au niveau du développement de son ego, une certaine stabilité. Donc c'est bon. Et puis les psychologues le savent, ça. Mais quand l'homme rentre dans l'évolution d'une conscience mentale, où les architectures sont altérées, parce que l'homme rentre dans une mémoire vive, où il a finalement accès à une critique. absolue de la femme. Faut qu'il y ait une critique absolue de la femme pour pouvoir regarder la femme et l'étudier à partir d'un point de vue qui ne fait pas partie de la mémoire de l'art. Si je regarde le dauphin, je ne peux pas le voir, le dauphin, avec ses yeux à elle, parce que là, je vais être fini, je vais être limité à ce que la science, avec sa méthodologie, peut aller chercher au niveau de ses instruments du phénomène du dauphin. Alors, si je vais aller plus loin dans l'étude du dauphin, il faut que je me libère de la mémoire de la race. Donc, il faut que je me libère de la connaissance, et ainsi de suite. À ce moment-là, ça nécessite que j'ai une identité intégrale, donc une capacité critique absolue. Si elle, en tant que scientifique, n'est pas prête à écouter mon baratin, parce que je n'ai pas la gestion parfaite de mon énergie, à ce moment-là, elle aura raison. Elle dit, voyons, monsieur maman, vous changeriez, vous. Mais si j'ai une parfaite gestion de mon énergie, approfondir, monsieur maman, vous changeriez. Parce que là, je vais être assez intelligent pour déplacer le fardeau de la preuve. Je me dis, c'est pas moi qui est intelligent de même. C'est mon chum au Japon, ou c'est mon chum en Russie. T'sais? Autrement dit, l'ego ne va pas essayer de s'approprier la valeur de la connaissance pour elle. Donc, l'ego ne s'appropriant pas la valeur de ce qui pourrait être la connaissance, ne va pas faire transparaître la puissance du savoir. Parce qu'elle va être bête, elle ne va pas être menacée. C'est pas moi là, qui connais tout ça, c'est mon petit japonais, mon petit russe, mon petit allemand ou mon petit américain. Comment ça fait que les gens sont menacés par le savoir d'un autre? Parce que, si on parle de savoir, l'homme est menacé par le savoir parce que le savoir, c'est une vibration qui n'est pas réfléchissable, qui est absolue, ça ne se discute pas. Puis dans le savoir, c'est un autre outil. Le savoir, c'est comme un tube. Puis t'as bien des fils là-dedans. Puis au centre de ça, c'est comme t'as un autre fil. Puis ce fil-là, c'est de la voyance. Fait que si l'homme n'est pas capable de connecter avec le savoir dans certains fils, à ce moment-là, puis c'est nécessaire qu'il comprenne, tu vas passer ça par le fil d'en dedans. Ça, c'est de la voyance. J'en ai eu l'expérience dans mon... Il y a bien des années avec des gens que j'ai connus, des gens extrêmement intelligents à Montréal. Je pense à eux, là, qui est brillant, ce que vous appelez des brillants, des beaux esprits intellectuels. Puis je dis, oui, mais ça, t'as lu ça là-dedans, ça, t'as lu ça là-dedans, ça, t'as lu ça là-dedans, ça, t'as lu ça là-dedans, ça, t'as lu ça là-dedans, tel auteur a dit ça, tel auteur a dit ça. Bon, finalement, il n'y a rien à faire avec lui. Fait que là, j'ai allé dans le fil en dedans. Fait que là, j'ai dit, ben là, j'ai commencé à raconter sa vie à partir du moment où il est venu au monde, jusqu'à 14 ans. C'est des choses que lui savait, là, qui faisait réellement partie de son expérience, des choses qu'on ne dit pas en public, qu'il ne voulait même pas que personne ne sache. Puis quand j'ai fini, j'ai dit ça, j'ai lu ça à la télé, j'ai lu ça à la télé. Fait que ça a réglé l'affaire. Des fois, t'es obligé de faire ça. Parce que c'est too much. C'est too much. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, je dis, quand t'es dans le savoir, quand t'es une mémoire vive, j'ai un seul concept de la mémoire vive. Quand t'es dans une mémoire vive, à ce moment-là, ben, si t'es capable de faire la gestion de ton énergie ou de ton portefeuille, tu dis, bon, ben, c'est lui qui a dit ça, c'est lui qui a dit ça, c'est lui. J'ai entendu parler de ça comme banque. Maintenant, quand on est dans un processus de conscience, on cherche, sans s'en rendre compte, une sorte de pouvoir à travers le phénomène de la mémoire vive dont vous parlez. Est-ce que, tant qu'il y a une sorte d'appétit de pouvoir, on est coupé de notre identité? Le pouvoir qu'on cherche au début, c'est normal parce que l'ego, au début, n'est pas habitué à la mémoire vive. Puis l'ego pense que la mémoire vive serait la même fonction que la mémoire morte, autrement dit. L'ego a l'impression qu'il peut faire quelque chose avec la mémoire vive, comme il a fait avec la mémoire morte. Okay. Comme son contrôle. Comme ça, voilà. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Un homme qui a une mémoire vive, qui s'en va aux courses, par exemple, qui dit, qui sait quel cheval qui va rentrer, puis quel cheval qui va rentrer, puis quel cheval qui va rentrer. L'ego qui n'est pas habitué au début, bon, mais dis-moi, j'ai réglé mon affaire. Je vais aux courses. J'ai de l'information, t'es cheval là. Après ça, il va s'apercevoir qu'il va être amené dans une expérience où il va perdre tout son argent pour comprendre que la mémoire vive, c'est pas super drôle. La mémoire vive, c'est une autre fonction. Il va se servir des courses pour lui montrer que ça existe, la mémoire vive, qu'ils sont capables de savoir quel cheval va rentrer après. Mais si l'ego, lui, au début, il va se faire prendre dans le gain, parce que là, c'est intéressant, mais il y a accès à la mémoire vive, mais il veut donner la fonction de la mémoire morte. Il veut l'utiliser comme de la connaissance. Pour quelque raison que ce soit. tu peux pas faire ça. Parce qu'un jour, il va perdre tout son argent. Donc au début, ben, ils vont le faire gagner là, pour le stimuler. Un jour, le gars va être bien content, dire wow, j'ai gagné tout déjà ce soir, je fais 10 000 piastres sur mon cheval. Les voyages vont le faire. Fait qu'ils vont comprendre que la mémoire vive, c'est pas fait. Là, ils vont rentrer et ils vont dire, ça, c'est pas fait pour ça. C'est ça, l'affaire. OK. La mémoire vive, c'est fait pour quoi? La mémoire vive, pour le moment, à ce stade-ci de l'humanité, la mémoire vive a simplement une fonction. Et là, pour fonction de faire évoluer l'homme psychologiquement. C'est tout. Mais pas psychiquement. Psychologiquement. S'il évolue psychologiquement, il va passer à une évolution psychique. La seule fonction présentement de la mémoire vive, c'est ça. Puis la fonction de la mémoire vive, pour faire évoluer l'homme psychologiquement, ça va durer jusqu'en 1997. Fait que d'ici le 97, l'homme ne pourra pas utiliser la mémoire vive pour autre chose que de faire évoluer l'homme psychologiquement. Ce qui veut dire, techniquement, descendre de l'information pour l'évolution de l'homme psychologiquement. L'autre point, c'est que pendant des milliers d'années, on a neutralisé la survie avec notre personnalité. Il fallait des diplômes, des titres, il fallait créer des impressions plus ou moins intelligentes dans certaines situations pour être capable de neutraliser la survie sur la planète. Est-ce que la mémoire vive dont on parle, donc l'identité, a également une fonction éventuelle dans le temps de neutraliser la survie chez l'homme? Quand l'homme pourra utiliser sa mémoire vive sur quand survie, il y aura le pouvoir sur ce que vous appelez l'argent. Puis la créativité. Parce que l'homme se place par le diable, donc l'homme aura rentré dans ce que j'appelle la phase ascendante de la masse de la conscience critique. La phase ascendante de sa conscience critique. Il va être capable, à cause de sa conscience, de plus être astralisé par le pouvoir de l'argent, et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, l'homme sera libre de ce qu'on appelle la survie matérielle, à ce moment-là, il pourra faire des travaux à d'autres niveaux. Mais il faut que l'homme soit transmuté suffisamment pour ça. Parce qu'on a des appétits qui sont trop forts. La vie sur le plan matériel est difficile. OK. Est-ce que c'est la personnalité qui met les gens dans une situation de survie? C'est toujours la personnalité. La mémoire morte par conséquent. Ouais. Est-ce que le dégagement de la personnalité nous sort de la survie? Le dégagement de la personnalité, le mot dégagement est pas juste. Le passage de la personnalité à la personne, ça nous amène graduellement, très très graduellement, à sortir de la survie. Mais dans le passage de la personnalité à la personne, c'est là que se fait la transmutation. C'est là que se développe la maturité, c'est là que se développe la lucidité. Éventuellement, la personne intégrale est là. Et à ce moment-là, ben, on est en dehors de la survie. Par contre, si on avait accès à notre mémoire vive, donc si on avait suffisamment de conscience pour ne pas vivre le doute psychologique de la personnalité par rapport à la survie, on saurait que même dans la survie, la souffrance de la survie est illusoire. Toute survie est illusoire. Parce que c'est pas toujours évident quand tu traînes 50 ans dans tes poches. C'est tout illusoire pareil. Tu t'en vas sur la rue, tu traînes 50 ans dans tes poches, tu arrives à la maison, puis tu notes sur ton téléphone, puis ta belle-mère est morte, puis t'as laissé 10 000 piastres. Ouais, on voit ça. Regardez la vie, c'est toujours. La vie, c'est parfaitement orchestré. Ouais. Parfaitement. Si je vous dis, bon ben, jusqu'à quel point c'est parfaitement orchestré la vie, je vous dirais que l'homme ne vit même pas sa vie sur la terre à plus de 5 à 6%. Fait que, seulement au niveau de nos pensées, notre vie est orchestrée. Si l'homme était conscient, il avait une mémoire vive, et ainsi de suite, il serait capable d'interpréter instantanément l'astral de sa pensée. Donc, il n'aura pas. Oui, c'est vrai. Donc, un homme qui est inconscient, qui vit toujours dans l'astral de sa pensée, donc, qui fait que la survie existe psychologiquement, verrait que ça n'existe pas, la survie, quand tu es dans la mémoire vive, parce que tu sais que tu es toujours supporté par l'autre mort. Tu es toujours supporté par l'autre mort. Tu es jamais mort avant d'être mort. feu. Et tu tiens. Ta maison ne brûle jamais avant de brûler. Ouais. T'as jamais d'accident à Noël. Mais nous autres, notre maison elle brûle dans notre tête avant qu'elle brûle. On a des accidents avant qu'elle arrive. Pourquoi? Parce qu'on se fait du. Ouais, on pense. Ouais. Fait qu'on avait des assurances, on fait ça le faire. On a pu avoir une job. Ben quoi, on n'a pas pendant trois mois, pour bout de trois mois, il y a une gang. Trois qui arrivent d'une journée, comme des grappes de raisin. Trois jobs. Ton beau-frère, ta belle-mère, tout le monde se trouve une job. La même journée. Vous avez déjà vu que ça, les jobs qui arrivent en même temps. Fait que la vie, c'est une grosse, grosse connerie. Puis plus l'homme entre dans une mémoire vive, puis qu'il peut parler avec les facteurs déterminants de ce processus-là qu'on appelle la vie sur la Terre, parce que dans le fond, on n'est pas en vie sur la Terre. On est réellement des morts vivants. Absolument. La vie n'existe pas sur la Terre. Mais quand tu commences à rentrer dans une mémoire vive, la vie, elle commence à transparaître, à transparaître, à transparaître. Puis quand la vie transparaît, tu vois que ce que tu pensais de vivre avant, dans ton existence, c'était réellement du griot. Le simple fait de prendre réellement conscience de l'illusion, de la survie, est-ce que ça nous fait passer radicalement à l'identité? Le fait de prendre conscience de la survie et de la manigance derrière, en fonction de nos états personnels. Mm-hmm. Parce que le double peut seulement travailler avec l'homme en fonction par rapport à ses illusions à lui. Une fois que les illusions sont transmises, il peut travailler plus, mais il peut travailler plus. Fait qu'un homme qui a beaucoup d'insécurité ou un homme qui est réellement bloqué dans sa vie à cause de ces insécurités qui font partie de l'âme, il faut qu'il en prenne conscience. S'il en prend conscience de ça, il va briser le gridlock sur sa survie. Mm-hmm. Comme quelqu'un qui dit, il n'y a pas de job, il n'y a pas de travail. Il y en a tout le temps de travail. Mais là, il n'y en a pas, il y en a tout le temps de travail. Il y a du monde qui n'ont jamais arrêté de travailler en vie, ils ont tout le temps. Mm. Fait qu'il y en a tout le temps ce travail. S'il n'a pas assez de titres, il y en a à Montréal, il n'a pas à Montréal, il y en a à New York, il n'a pas à New York, il y en a à Timbuktu. Il y a tout le temps. Autrement dit, c'est une affaire de volonté. Mm. Si l'homme s'actualise en termes d'être volontaire, il y en a livré à briser le gridlock. Fait qu'une des raisons pour laquelle la vie est très difficile pour l'homme, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de survie dans notre expérience, c'est parce qu'on limite toujours notre expérience à ce que l'on est. Au lieu de faire de notre expérience ou d'assujettir notre expérience à ce que l'on est. C'est notre expérience qui nous assujettit au lieu que nous autres, on l'assujettisse. Okay. Notre expérience, il n'y a pas de travail, ça m'assujettit. Au lieu que moi, j'assujettis la condition d'expérience, je dis, du travail, il y a un gros sacrament, m'a prendre mes bottines, mon char, je crisse mon cagnoc, je vais m'en trouver un job de waitress à 44e. Fait que notre expérience nous assujettit, au lieu que nous autres, on l'assujettisse. Fait que quand tu commences à comprendre la game, qu'on est réellement des morts vivants, qu'on est réellement marionnettés à travers nos pensées, toute la bébelle, là. À ce moment-là, là, tu commences à prendre le feu. Puis c'est pas le feu cosmique, c'est le feu au cul. Puis là, là ta voix à game, puis éventuellement, mais t'accordes. Mais tu casses pas ton environnement. Tu casses pas ton environnement, mais tu changes ta relation avec. Tu sais, je prends toujours l'extérieur de cette fameuse fille-là qui vient de me voir un jour, qui dit, monsieur Maman, je t'en ai beau. Je suis en amour, puis avec un homme, puis une blonde, puis une femme, puis une autre maîtresse. Mm-hmm. J'ai dit, c'est la théorie de Domino, c'est que tu vas faire ça. Ça va pas tenir nulle part. Mais elle dit, je l'aime. J'ai dit, ça va pas tenir nulle part. Mais elle dit, je l'aime. Bon, j'ai dit, viens voir, mais tu l'aimes plus. J'ai dit, comment c'est l'esprit de temps pour casser ça? 2 ans. Puis quand elle l'a cassé, elle dit, je savais pas que c'était facile de même. Mais pourquoi est-ce que c'était facile? Parce que là, elle avait assez souffert pour casser. Mais avant, elle n'avait pas assez souffert. Fait que le myum-myum était plus fort. Deux ans. Fait qu'elle était assujettie à cette condition-là pendant 2 ans de temps. Ouais. Fait que prends ça comme expérience, comme exemple, mm-hmm. Puis projette ça dans l'expérience de l'homme dans la société, à tous les niveaux. Nos jobs, nos carrières, nos toutes de bébelles. On est toujours assujettis à l'expérience. Quand je dis qu'un homme nouveau a une conscience vibratoire, ça veut dire qu'à partir du moment où un homme a une conscience vibratoire, il commence à ne plus être assujetti à une expérience. Fait que quand tu prends un gars comme moi, qui a une conscience vibratoire très développée, il n'y a aucune expérience qui va m'assujettir. Je vais toujours la faire éclater. Fait que je suis bien dans ma peau. Mm. Je ne suis pas intéressé à être heureux comme vous autres. Vous autres, vous avez ça à être heureux parce que c'est du gnomium. Moi, je ne suis pas intéressé à être heureux parce que du gnomium, tu l'as, du gnomium, tu l'as pas. Parce que moi, je veux pas être heureux, je veux être bien dans ma peau. Puis être bien dans ma peau, ça veut dire que c'est moi qui ai dans le show. Mm. Tout le temps. Pouvez-vous runner le show avec un autre qui veut runner le show? Tu peux runner le show avec un autre. Tu peux runner le show avec un autre qui connaît la game du show. Moi, je runne le show avec ma femme. On est totalement complices, nous autres. Il n'y a personne sur la planète qui a eu leur cul comme nous autres. Il est fort comme nous autres. Fait que... ma femme a dit, ma femme est couchée un soir et il y a une boule de pute dans ma jambe qui se place près de son lit et il y a un bonhomme dedans. Ils sont capables d'en jouer des crises de gain, les autres. Tu sais, il y a un bonhomme, il la regarde. C'est ce que qu'elle a dit. Elle dit, grandis-toi donc avant de venir me voir. Grandis-toi, donne-toi donc une grandeur normale, là, puis tu viens de me revoir, la boule de feu est partie. Ça, c'est contrôler la situation. Tu comprends-tu? Tandis que nous autres, ben, on regarde la boule de feu, qu'il y a un petit bonhomme dedans, mais on vient là tout démagnétiser, là. Je suis dans nos culottes, probablement. Là, la première personne qu'on verra, c'est « Ah, j'ai vu une boule de feu dans ma salle, dans ma maison, il y a un petit bonhomme de tête, c'est intéressant, peut-être que c'est à l'air. » C'est ça, c'est? Mm-hmm. Fait qu'il faut que l'homme prenne contrôle. Mm-hmm. Mais, bon, si on parle de prendre contrôle, là, on prend contrôle dans un sens... C'est bien sûr, c'est un intelligent dans une crise de boule de feu grosse de même, qui rentrerait qu'il y a un bonhomme de tête. Des boules de Noël. Oh, chier! Tu viens de voir, prends-le dans le normal, je suis un 5 pieds 7, mais lui, 5 pieds 7, t'as cité, on prend une pause de 14 ans. Ça, c'est intelligent. Non, il nous faut la pause des boules de feu, tu sais. Fait qu'on peut prendre le contrôle. Mais on peut-tu parler du contrôle psychologique des vies quotidiennes? La même chose. Bon, quand vous êtes avec des échanges, avec des êtres humains, puis que vous êtes en train de prendre contrôle de vos énergies, puis de tout... Et puis vous êtes avec des êtres qui sont aussi vibrants en processus de prise de contrôle d'eux-mêmes. Est-ce que dans cette période de transformation-là, il faut être seul pour que ça se passe? Dans le sens, est-ce qu'on devient asocial au moment où on rentre dans ce processus de prise de contrôle-là? Dans la mesure où on prend contrôle, éventuellement, notre tout vibratoire, notre conscience vibratoire devient tellement défini que les gens avec lesquels on est en relation sont des gens qui aussi sont capables de démontrer qu'ils sont capables de prendre plus de contrôle. Sans ça, on les magnétise trop. Bon, mais c'est souvent le cas. C'est souvent cette situation-là qui se peut voir. Je vais te donner un exemple. Je pense à quelqu'un que je connais là, qui est un ami de la famille très, très, très proche. Là. Voilà. Okay. À un certain moment donné, cette personne-là a fini qu'à prendre un certain contrôle de sa vie pour rester nos amis. Amis avec nous autres. Sans ça, ben, on va toujours, si elle ne prend pas contrôle, on va toujours voir son manque de prise de contrôle, puis on va toujours être là pour l'aider, être là pour la conseiller, être là pour essayer. Fait qu'un jour, il faut que tu te prennes en main. Sans ça, on va dire, bon, viens plus chez nous, là, parce que t'es pas capable de te prendre en main. Sans ça, on devient constamment ce que vous appelez des médecins de l'âme. Moi, je suis pas intéressé d'être un médecin de l'âme pour faire de la thérapie au monde. Je suis intéressé d'aller au restaurant, je suis intéressé de jouer au golf, c'est pas ça, là, mais disons que je suis intéressé par... Comment ça veut dire? Je suis intéressé à vivre, m'amuser. Je suis intéressé, moi, à toujours donner du brandy à quelqu'un parce qu'il n'est pas capable de se prendre en main. Fait que quand tu as une conscience vibratoire, les gens qui sont autour de toi, qui vont devenir, si tu veux, ton cercle, ta société, ta famille, tes amis, il faut qu'ils se prennent en main. Sans ça, éventuellement, mais... tu vas être obligé de les laisser prendre une distance pour qu'ils puissent en arriver à se prendre en main. Peut-être qu'en coupant avec eux autres, ils vont se prendre en main. Sans ça, tu n'as plus de plaisir. Tu n'as plus de plaisir avec tes amis. OK. Prendre le contrôle, ça transparaît concrètement dans quoi? Prendre le contrôle, ça veut dire qu'au niveau où tu es limité, dans la mesure où tu peux le faire, il faut que tu changes ta vie. Prendre le contrôle, ça veut dire changer ta vie. Il faut que tu changes ta vie. Il y a des choses dans ta vie que tu ne peux pas changer. Il y a des choses que tu peux changer. Il y a des choses que tu ne peux pas changer avant de travailler. Il y a des événements qui vont se faire. Il y a des choses dans ta vie que tu peux changer. Non, il faut que tu le changes. sans ça, mais tu restes toujours dans la personnalité, dans les failles de la personnalité, dans l'aspect de la personnalité. Fait que si tu es content avec des gens qui vont être pleine conscience, éventuellement, ils ne pourront plus te supporter parce que supporter du monde, c'est toujours travailler. Alors qu'à un certain moment, tu prends un gars comme moi qui est supposé avoir une conscience. C'est quoi mon plus grand plaisir? C'est de rencontrer quelqu'un et de dire, bon ben, moi, me faire parler, j'aime ça me rencontrer quelqu'un et dire, bon ben, moi, j'étais un ingénieur, ou moi, j'étais un architecte, ou moi, j'étais un psychologue, ou moi, j'étais, je sais pas, moi, telle affaire, ou moi, j'étais un homme d'affaires. Me montrer quelque chose, j'aime ça que le monde me montre quelque chose. Ça veut pas dire que je suis pas capable de parler sur ce qu'ils vont me montrer, mais au moins, je me fais mourir. Je me fais créer une ambiance par ces gens-là. Sans ça, c'est toujours moi. Oui, moi je t'ai dit d'être, je fais des conférences, c'est correct. Mais en privé, je veux vivre normal, moi je suis. Moi, en privé, je veux plus, je vais dans Montréal, moi je veux plus qu'il existe dans Montréal. Je le tue en privé dans Montréal. Ouais, c'est ça. C'est tu tues tout le monde. Fait que c'est ça. Mais si le gars il se prend pas en main, ben, à ce moment-là, tu peux pas être de relation avec lui. Comme là, j'ai étudié le stock market pour étudier les fondamentales, là, pas pour faire de l'argent, pour étudier les fondamentales, la mécanique de ça, quand rien n'arrive. J'ai même des gens, le genre, qui est là-dedans, là, puis c'est, ben, le voir bien vite, on va en parler. Fait qu'il va me parler du stock market. Je vais demander, c'est quoi ça? Parce que je veux pas vivre de ma mémoire vive. Je veux vivre de ma mémoire, moi, ou de la sienne. Fait qu'à ce moment-là, je vais arrêter de faire un petit café, puis on va parler du stock market. Fait que l'individu qui prend contrôle. Et si Jacques, là c'est l'exemple, si Jacques il est pas raisonnable, puis il est trop content là, de parler du café avec moi, de parler du travail, il va m'énerver. Là. Et à ce moment-là, ben, je ne le ferai plus. Ouais. Mais si il est normal, là, comme il en rencontre du monde normal quand il va à l'assaut, il en rencontre des hommes d'affaires normaux là, qui parlent de business normal. S'il me parle de business normal là-dedans, à ce moment-là, le joueur est du fun, puis là, il va m'apporter quelque chose. Parce que c'est comme ça que ça marche. Je suis allé chez eux à l'assaut, il y a une couple d'années, là, j'ai eu du fun. Il n'y a plus de devant Montréal là-dedans. Là. Il m'a amené au casino, il m'a amené des hôtels, il m'a amené des restaurants. On a eu du fun, j'ai eu du plaisir. Il m'a montré son chien, il est où de même. Ben, j'ai eu du fun. Il ne m'a pas achalé avec ses problèmes ou des questions au niveau de ma mémoire libre. Sans ça, j'ai plus dit, moi j'ai plus de plaisir social. Tu peux rester jeune avec mon chat, ma fille, ma femme. Tu veux dire? Ma fille avait un chien, regarde ça au niveau de ma mémoire vive, un chien, c'est une responsabilité. Ben ouais. Tu sais, t'as un chien, hein. Elle aime savoir un chien, elle a pas de chat, un chien, pas de. Elle peut coucher avec. Mais elle regarde ça, elle a une conscience chien. Tu peux pas rentrer avec chien, puis après ça, ben, tu t'en occupes plus. Il va rester un chien, il va pisser un chien, tu sors dehors, t'es un chien, toi, es-tu un chien, es-tu prêt à avoir un chien tout le temps avec elle? Oh, tu m'entends, regarde ça. C'est pas comme un chat, tu le laisses là, il s'en va. Moi, je reviens mon chat, on fera 2-3 mois, tu vas au minou, puis ça va être le manger, tu sais. Parce qu'un chien, c'est notre affaire. Mais si tu regardes ça, c'est un chien. Un chien, c'est une entité bien vivante. Tu veux un chien, moi, je veux bien t'acheter un beau petit chien. Mais demande-moi pas après ça de m'en occuper. Ta main est en occupée, elle coupe plaisir. Fait que t'es pas prêt. Oh! Ça coupe un chien. Fait que t'es une mémoire vive. Ah. Parce que j'étais la mémoire morte, mais 20 chiens. Tu vois, tout le monde 20 chiens. Fait que vivre une vie normale quand t'as une mémoire vive, c'est bien sûr. Fait que tu fais attention à moi. Même acheter un chien, ça devient une grosse job. Ah ouais. Tu veux acheter un chien, c'est 3-4 chiens. Moi, acheter un chien, c'est comme faire un contrat avec un avocat sur une business de 50 000 piastres. Les conséquences d'avoir un chien. Là, vous voyez pas ça qu'on a aussi. Moi, il y a des conséquences. Je n'ai acheté un chien l'an passé, là. Parce que pour là, je sache comment est-ce que je suis capable d'y aller avec un chien. J'ai acheté un petit Milou. Je dis à la femme, je veux un Milou. Pas n'importe quel chien, je veux un Milou. C'est Tintin quand on est petit. Bon. J'ai resté fixé avec mon moi et mort avec Tintin. Je m'en vais au magasin et je me trouve un petit Milou. Il était long de même. Fait que ben, quand la femme me donne un chien, il est gros de même, puis il est un petit énervé, fait que les yeux étaient propres. Mais quand je l'ai amené chez nous, Elle n'a pas dit la femme, monsieur, après une semaine, les yeux commencent à pleurer, il faut que tu nettoies ça, parce que ça vient tout jaune ici. Puis il est énervé, puis ça va plus facile à faire. Moi, j'ai des beaux tapis chez nous, tu sais. Fait que là, j'ai juré à la femme que je t'achèterai pas avec ça, m'a dit avec le chien. Fait que là, je commence à m'occuper du chien. Je m'occupe pas du chien comme je m'occupe de la oui. Check le piqui, check ça, check ça. Là, je t'apprends totalement malade. Le chien, Milou, il m'a mis à terre au bout d'une semaine. Il se mettra pas à terre, toi. Moi, il m'a mis à terre au bout d'une semaine, le chien. Fait que là, ça a été fini pour le chien. Tu sais, il court après moi, j'allais au magasin, j'étais obligé de faire de glace à faire. Et ah, je t'apprends un gris, de glace. J'arrêterai pas. Tu sais, le comique aux États-Unis, il a tout. Fait que le chien, Milou, me rend fou. Fait que j'ai redonné le chien à un de vous autres que je connais, là, qui en a bien plus. Je suis allé dans un Afrique pour avoir le chien. Voyage plus que moi. Au moins, ça servait à ça. Puis la femme qui l'a acheté, là, apparemment, elle voulait un milieu. Ben, justement, on a un milieu, là. Elle a passé mon milieu. Mais moi, c'est fini, les milieux, j'en ai quoi. Fait que là, je m'ai guéri de ça, là. Là, ma fille, elle m'arrive avec un chien. Là, j'ai dit ça, c'est ton affaire. Là, j'ai fermé ma mémoire vie. Puis, en tout de suite, la tienne. Parce que ça devient compliqué, vie. On évolue pourquoi? Non, c'est pas une bonne question, on évolue pourquoi? Non, non, mais tu sais, c'est que le processus de conscientisation nous amène à... Pourquoi est-ce qu'on devient conscient? On devient conscient parce qu'éventuellement, il faut qu'on devienne intelligent. Mm-hmm. Puis éventuellement, devenir intelligent, la vie est-tu agréable? On rentre d'une mémoire vive. Les conséquences au niveau de notre potentiel de vie humaine, matériel, éthérique, est très vaste, ainsi de suite, tu sais. Autrement dit, l'homme, finalement, devient le magicien de sa propre dynamique, de sa propre conscience, puis là, tu es plus unidimensionnel, tu es en relation avec des plans, télépathiquement, individuellement, ainsi de suite. Donc, la vie commence, là. T'as pris l'évolution. Mais c'est très payé, tu sais. Fait qu'une personne qui a d'identité n'a pas les mêmes champs de satisfaction que les gens qui vivent au niveau de la personnalité. C'est un nom. Quand tu es conscient, d'abord, quand tu es conscient, la Terre, c'est une planète expérimentale. Donc, tout est en expérience. Il n'y a rien comme du monde. C'est tout est à l'envers. T'sais, si l'humanité devenait consciente demain matin, les structures de la civilisation s'effondreraient demain. Quand tu es moins vif, tu regardes la politique mondiale, tu regardes la politique du Québec, tu regardes la politique, tu regardes les politiciens, tu regardes n'importe quoi. Et tout est à l'envers, parce qu'il n'y a pas de conscience. Mm-hmm. Fait qu'éventuellement, mais c'est très dur sur ta conscience, sur ton esprit. Fait qu'à ce moment-là, l'homme conscient, ben, il se crée comme un oasis. Mm-hmm. L'homme conscient se créera un oasis, selon sa sensibilité. C'est un environnement qui est propre à sa sensibilité. Qui est propre à sa sensibilité. Fait que ça, on est obligé de faire ça, on n'a pas le choix. Les gens riches, ils se font des oasis pour eux autres. Bon, l'homme conscient, qui est un homme riche à un autre niveau, il se prend un oasis pour lui-même. Fait que à ce moment-là, ben là, tu peux avoir le plaisir de vivre jusqu'à temps que tu passes à l'autre plan conscient. Mais quand tu réalises comment est-ce que c'est une grosse job hein, pour avoir un chien, tu t'imagines le reste? Alors, pour terminer, une personne qui a de l'identité, ou qui veut avoir de l'identité, est-ce que c'est long, le processus de d'épuration de son mental? Est-ce que ça prend du temps à avoir l'identité, ou c'est quelque chose que, quand on change un axe dans notre vie, on tombe instantanément dans notre identité? L'identité, c'est le résultat de la conscience, de la souffrance, qui vous amène à prendre conscience du manque d'intelligence quand vous avez souffert. Si vous ne prenez pas conscience du manque d'intelligence qui a créé votre souffrance, vous n'en arriverez pas à avoir de l'identité. Vous n'en arriverez pas à savoir qu'est-ce que c'est l'identité. Vous ne pouvez pas indéfiniment souffrir et dire, bon, ben ça va s'arranger demain. Là, vous êtes capable parce que vous avez des buffers. Parce que quand vous allez avoir une conscience vibratoire, là, vous ne pourrez pas vivre une souffrance parce que la petite souffrance qui vous fait souffrir, ça va être immense, naturellement. Parce que là, ben, vous autres, vous faites couper des bras, vous faites arracher des dents, il n'y a rien là, tu sais, des accidents, il n'y a rien là. Plus tard, quand vous allez avoir une conscience vibratoire, la moindre petite chose va vous faire souffler. La moindre.